Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Fadjet pour l'émission Les bons plans solidaires présentée par le groupe solidaire actif du groupe Arelia. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons Khadija. Bonjour Khadija. Bonjour Bertrand, bonjour les invités. Alain, bonjour Alain. Bonjour Bertrand et bonjour Radio Fadjet. Nous recevrons également deux invités aujourd'hui, Madame Claire. Bonjour, enchantée. De la MJC Nomade de Vendeuvre et Rezvan, qui viendra nous présenter l'association de culturelle iranienne Simor, qu'elle vient de créer. Khadija, notre fanatique de poésie, va nous lire « Nuit de juin » de Victor Hugo. Oui Bertrand, c'est une petite poésie de « Nuit de juin » de Victor Hugo. « Nuit de juin, l'été lorsque le jour a fui de fleurs couvertes, la plaine verse au loin un parfum environ, les yeux fermés, l'oreille aux rumeurs entrouvertes, on dort qu'admi d'un sommeil transparent, les astres sont plus purs, l'ombre paraît meilleure, un vague demi-jour tient le drôme éternel, et l'aube douce et pâle, en attendant son heure, semble toute la nuit errer au bas du ciel. Bah merci Khadija pour ce beau poème. Alors Khadija, qui habite Vendeuvre, connaît bien la MJC Nomade, puisqu'elle y va régulièrement. Je crois même qu'elle fait partie maintenant du conseil d'administration. Et donc, elle a souhaité nous présenter cette MJC qui a plein d'activités intéressantes. Et donc, pour ce faire, nous recevrons Claire de la MJC Nomade qui viendra nous parler de la MJC. Allez, Khadija. Oui, Bertrand, aujourd'hui, nous recevons la présidente de la MJC Nomade, Madame Claire. Bonjour Claire. Bonjour, enchantée Khadija. Enchantée. Nomade, c'est amusant, mais pourquoi vous avez choisi ce nom ? Alors notre nom, c'est MJC, Centre Social Nomade. C'est très important. On est devenu centre social il y a quelques années et c'est une dimension vraiment très importante de nos actions aujourd'hui. Pourquoi nomade ? Ben parce qu'en fait, on l'a été réellement. On était d'abord la MJC Louvain, à partir du milieu des années 70. Et au début des années 90, on est devenu la MJC Nomade parce qu'on n'avait plus de locaux, tout simplement. Et donc on intervenait un petit peu à droite et à gauche à Vendeuvre. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on est installé rue de Norvège, presque en face de la piscine de Vendeuvre, dans les locaux qui s'appellent Jean Rostand. Mais on reste nomade puisqu'on continue à intervenir boulevard de l'Europe dans un appartement qui s'appelle Arobase. On continue à intervenir près du Vélodrome. On continue à intervenir de temps en temps au parc du Charmois, dans les écoles. On est toujours un petit peu nomade. On est partout à Vendeuvre. Oui, et pourquoi les gens vont choisir MJC Nomade qu'une autre MJC ? Eh bien, parce qu'on est justement centre social aussi. Alors, on n'est pas une très grosse MJC comme la MJC Lorraine. On a un volant d'activités régulières pour les enfants, pour les adultes. Mais on a aussi beaucoup d'autres actions qui s'y ajoutent, des manifestations, des choses festives où on réunit le plus grand nombre. Et puis, on a aussi des activités vraiment destination du public famille, par exemple, avec des activités famille, avec un lab qui accueille les parents avec de jeunes enfants qui peuvent venir de façon tout à fait accueillis de façon tout à fait bienveillante pour parler des petits problèmes, puis aussi des petits plaisirs de la parentalité. On a aussi des actions à l'intention des seniors, comme les petits-déj, avec des seniors qui se réunissent deux fois par semaine pour discuter autour d'un café ou pour suivre des petites formations. Et en fait, tout ça, ça fait nous une MJC vraiment particulière. Comme on est centre social, on a aussi des tarifs vraiment intéressants et des tarifs sociaux à l'intention de tous, mais surtout des familles et des enfants. Khadija nous a parlé d'une activité qu'elle pratique et qui lui plaît, c'est le jardinage. Alors, est-ce que vous pourriez nous développer un petit peu l'activité de jardinage que vous faites à la MJC Nomade ? Khadija a eu tout à fait raison de parler de cette activité de jardinage parce qu'on a une grosse passion à Nomade, c'est la nature. Et c'est vrai qu'on a aussi, du coup, on fait plein de choses dans ce sens-là. Et pour ceux qui auraient envie de venir mettre les mains dans la terre, dans une super ambiance, de manger les produits du jardin, etc., bah, venez, rejoignez-nous le samedi, justement, toute la journée, ça jardine, ça cuisine, et ça rigole aussi beaucoup. Et associé à ça, on fait aussi un peu d'apiculture, on a des ruches qui sont perchées en haut de Vendeuvre, et puis on a d'autres, les enfants jardinent aussi, il y a une activité régulière, de temps en temps les familles, et on fait des week-ends et des sorties aussi dans cette thématique-là. Donc c'est vraiment une composante très très importante de la MJC Centre Social Nomade. Et les légumes du jardin sont mangés par les membres au cours de repas, paraît-il, que vous faites ensemble. C'est très bon. C'est très très bon. Cuisiner et manger sur place. Et c'est bio. Voilà. Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Je vous en prie. Vous dites, vous faites ça que le samedi. Dans la semaine, non, ça n'existe pas le jardin. Si, mais pour la prise de contact, venez le samedi. Ensuite, il y a des séances aussi en semaine, mais il vaut mieux d'abord être venu, avoir fait connaissance et pour pouvoir programmer les autres séances de jardin. Mais oui, parce que le jardin, ça se travaille tous les jours et ça s'arrose tous les jours, surtout quand il fait chaud. En dernier, comment peut-on rejoindre si on a envie de participer aux activités que MJC Nomad propose? Alors, pour prendre contact avec nous, le plus simple, c'est de venir nous voir directement, donc dans les locaux de Jean Rostand, qui sont 8 rues de Norvège à Vendeuvre, presque en face de la piscine. On est dans une espèce de soucoupe volante posée à côté de la piscine. Je crois que le jeudi, l'accueil est fermé, mais tous les autres jours, vous devriez trouver porte ouverte. Sinon, vous pouvez nous trouver tout simplement, vous tapez MJC Nomad sur Google, il nous trouvera. Et puis, on est aussi sur les réseaux sociaux, on peut nous trouver sans difficulté. Est-ce qu'il faut faire un abonnement ou bien quand on veut? Comme on est une association, on a une petite adhésion à payer au début de l'année, de 8 euros. Sachez qu'on est associé avec la MJC Étoile et la MJC Lorraine, ce qui fait que si vous êtes déjà adhérent de la MJC Étoile ou de la MJC Lorraine, vous n'avez pas à payer l'adhésion chez nous. Et ensuite, pour le jardin, par exemple, il y a quelques euros à payer au début de l'année pour participer, mais c'est vraiment c'est valable toute l'année et c'est vraiment très, très peu cher. Tous nos tarifs sont très, très abordables. Oh, merci, Madame Claire, d'être parmi nous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous. Merci. Alors maintenant, nous faisons la première pause musicale avec Georges Brassens, avec une petite dédicace spéciale pour Anissa, qui nous avait demandé « Les copains d'abord ». Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapins. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Da da da. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Rezvan Gaïzadeh, bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Simorg. Oui. Ça s'écrit S-I-M-O-R-G. Oui. Mais ça se prononce, on prononce pas morgue parce que en français c'est une petite connotation quand même désagréable. Et puis de toute façon c'est comme ça que ça se prononce, Simorg. Bien. Ouais. Alors c'est une association culturelle iranienne, si j'ai bien compris, destinée à faire connaître aux Lorrains la culture iranienne dont vous êtes issu. Et vous avez organisé votre première manifestation samedi dernier, le 3 juin, à Vendeuvre, au château du Charmois, où vous receviez, pour la projection d'un film intitulé « La conférence des oiseaux », le réalisateur Guy-Pierre Coulot. Exactement. Alors, c'était très très bien, je m'y suis rendu et c'était dans un cadre absolument charmant. Il faudra quand même remercier la mairie de Vendeuvre d'avoir fourni ce local. Oui. Donc c'était, c'était vraiment très intéressant. Donc est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vos projets futurs, du pourquoi de cette association, de cette envie de faire connaître la culture iranienne, qui est très riche apparemment? Oui, exactement. Voyez, moi, j'aimerais bien de faire connaître la propre culture iranienne, et surtout la perse, parce qu'il y a d'autres pays aussi qui ont parlé en perse. On a un petit peu culturellement proche. J'aimerais bien de faire connaître et un échange avec Lorraine. Et on va organiser des événements très intéressants pour fêter de chaque trimestre. On a fêté de saisons. La saison de printemps, la saison de l'été, la saison de l'hiver et aussi l'automne. Et pour chaque événement, on a une cérémonie spéciale pour chaque saison. Pour commencer chaque saison avec un bon volontaire, physiquement, moralement. Voilà. Vous m'avez parlé d'un projet un petit peu lointain dans le futur, puisqu'il serait en décembre. Oui. La nuit de Yalta, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet-là? Oui, parce que la nuit de Yalta, ça tombe un premier soir de l'hiver. Et quand le temps c'est gris, le froid qui vient, on va rassembler le premier soir de l'hiver. Et on va manger ensemble, on va parler ensemble, on écoute des contes de grands-parents. Et après, on va manger des grenades, on va manger des gâteaux spéciaux de Yalta pour garder les chaleurs entre nous et bien passer l'hiver malgré le gris, malgré le froid, en chaleur. Et j'ai cru comprendre que lors de cette nuit, il y avait une tradition un petit peu curieuse qui consistait à ouvrir au hasard un livre d'un grand poète iranien qui s'appelle Hafez. Oui. Et qu'à partir des poésies choisies au hasard, on essaye de deviner un petit peu le destin de celui qui est tombé sur le vers en question. Exactement, oui. Donc ça pourrait être intéressant si on trouve la traduction en français de ce poète, d'essayer de voir si on ne peut pas réaliser la même chose, peut-être, non? C'est... Ou c'est réservé aux gens qui parlent... Voyez, c'est un peu difficile. La poète de Hafez, c'est un peu spécial et c'est difficile. Mais pour entendre, voyez, pour faire connaître la langue perse, c'est bien quand même, c'est bien. Mais pour nous, vraiment, c'est une traditionnelle très, très importante le soir de Yalta. On ouvre un poète de Hafez. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du pourquoi vous avez choisi ce nom de Simorg comme association Simorg? Si vous voulez, Simorg, c'est une histoire, c'est un poète aussi de Hatta. C'est très très ancien, je crois qu'il y a 7e siècle. Il a Les poètes, c'est très, très ancien. Ils racontent une conférence entre les oiseaux. Qu'ils ont un jour, ils ont décidé et qu'ils ont cherché un roi. Pourquoi tout le monde avait un roi et on n'a pas. Et pourtant, les oiseaux, ils ont décidé d'aller chercher un roi. Et le hibou qu'il guidait cet oiseau pour aller à très loin, très très loin, avec cette vallée, qui chaque vallée ça compte vraiment, c'est comme notre vie, vous voyez, c'est dans difficulté, il y a beaucoup des oiseaux qui n'arrivent pas parce que c'est dur, c'est pas c'est sûrement c'est pas facile, mais cette vallée qu'ils ont et beaucoup de difficultés qu'ils ont passées, finalement ils ont trouvé que c'est le roi, c'est haut, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas personne n'attendait pas en haut, c'est haut qu'ils ont avec cette étape vraiment ils ont passé cette difficulté comme notre vie, vous voyez, quand on a bien réussi, on sentir que on a vraiment une capacité énorme. Chacun de nous, on a vraiment une capacité, on a des potentiels. Et c'est bien dommage si on ne touche pas jusqu'à la fin de vie, vous voyez. Et ça, c'est très important, que c'est un bon message qu'on a passé aux gens. Et c'est pour ça que je choisis cet nom pour l'association et aussi pour le premier événement qui Monsieur Guy Pierre Coulot, qu'il était venu. Exactement, il racontait mise en scène de cette conférence des oiseaux. Il raconte cette histoire entre les oiseaux. Et donc, c'est voilà. Le fameux roi des oiseaux qui s'appelle Cibor. Oui, exactement. Le roi mythique. Oui. Bon, bah, écoutez, et donc, est-ce que vous pourriez nous donner éventuellement l'adresse mail où on peut vous joindre si jamais on a envie de... Oui, de contacter, d'être au oui. courant des prochaines manifestations ou même pourquoi pas d'adhérer à l'association. Oui, pour adhérents, vous pouvez écrire un mail pour notre association à l'adresse. Alors, je vais regarder, je crois que c'est Simorgh, simorgh@orange.fr. Exactement. Et malheureusement, pour l'instant, on n'a pas réseau social. Et dès qu'on a créé un réseau, je vous bien informer. Et pour ceux qui seraient intéressés, la cotisation serait de 10 euros. 10 euros. Bon, c'est raisonnable pour avoir une connaissance approfondie de la culture iranienne et participer éventuellement à des événements. Ouais. Bah, merci beaucoup, Rezvan. De rien. Alors, Alain. Oui, bonjour. Est-ce que tu sais, par hasard, puisque nous venons de recevoir Rezvan, quel est le langage parlé en Iran ? Pas du tout. Eh ben, c'est dommage. Rezvan, j'ai entendu parler du farsi. Ah, ça, je connais pas. Comme les tomates. Ah. Et c'est justement la recette que tu nous proposes aujourd'hui. Les tomates farcies. Oui. Les tomates farcies, oui. C'est presque persan. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette... Il ne se cuit pas. Tomates farcies à la mousse de thon sans cuisson. Vous avez besoin de 10 tomates taille moyenne, 120 g de fromage frais, un œuf dur, une boîte de thon naturel, de la ciboulette, du sel et du poivre. Videz vos tomates, mélangez le fromage frais, l'œuf, écrasez-le, la ciboulette, le sel et le poivre. Mettre dans les tomates la matière que je viens de vous donner. Ensuite, remettez le chapeau dessus, emballez dans du papier cellophane, remettez au frigo et sortir au dernier moment que vous allez les manger. Bon appétit tout le monde. Merci Alain pour cette très bonne recette et pour te récompenser de tous tes loyaux et bons services depuis toutes ces années, je vais te faire un joli cadeau que tu aimes beaucoup, dont tu rêves depuis très longtemps. C'est un truc du genre un joli bateau pour partir en croisière. Donc nous écoutons Morena au mon bateau. Hey, oh Loin du monde et des problèmes. J'ai fui. Comme la gazelle aimable, au gracile des velours, j'ai vendu des bagambagues. Les mouettes m'écrient leur bonjour. Bonjour. Oh mon bateau. Tu es le plus beau des bateaux. Et tu me guides sur les flots. Vers ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des bateaux. Brava in tutte le tempete, si fla come da luete, je vuol. Vers de fabuleux rivages, où je serai bientôt roi, j'entends des rythmes sauvages, les algues dansent autour de moi. Hop là, oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux, et tu me guides sur les flots, vers ce qu'il y a de plus beau, tu es le plus beau des bateaux. Le ciel étoilé, les voiles gonflées de bonheur, les poissons chantent en chœur, les crevettes, les criolets, olé, olé, au bon bateau. Sur les flots, vers ce qu'il y a de plus beau, tu es le plus beau des bateaux. Tu es le plus beau des bateaux. Tcha tcha tcha. Il y a un dernier petit bon plan dont tu voulais nous parler pour le mois de juin, ne pas manquer bientôt, je crois, un festival. Oui Bertrand, comme c'est le mois de juin et le soleil est là, il y a le festival de la palette, revient aussi, c'est un festival musical, artisanal, et le cirque aussi, avec de nombreuses associations, et le tout est organisé par l'association Mille Sons. C'est la 8e édition avec changement de décor cette année avec comme thème le Moyen-Âge. L'association Mille Sons est une bande de jeunes de Maron près de Nancy et leur festival est devenu incontournable. Le festival déroule à Maron. Une grosse programmation cette année, le vendredi 16, un ciné plein air. Le samedi 17, ce sera le grand spectacle du Chevalier. Le dimanche 18 aura lieu le petit marché artisanal et musical. Mais le son, le week-end, le 23 jusqu'à le 24, ce sera le gros week-end, concerts et animations. Le JSA connu ce festival pour y avoir participé plusieurs années. Bon succès à cette 8e édition de La Palette. Et n'oubliez pas le slogan La Plapla, quoi La Plapla, plette. Hop là. Bon, bah merci Khadija. Merci à vous. Nous allons terminer l'émission par une chanson de Serge Gainsbourg. Chanson peut-être un peu prémonitoire parce qu'on ne sait pas encore si on va se revoir. Donc, je suis venu te dire que je m'en vais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là où pour rien changer,